إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on est toujours dans l'explication de usul sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala explication par Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala et je vous avais promis avant de commencer le cours de vous amener une source que j'avais citée dans le cours précédent et sur ce qu'on avait quand on avait parlé du takfir al-mu'ayyan. On avait parlé du fait de juger un kafir, quelqu'un de spécifique, quelqu'un de particulier, une personne particulière de kafir. On avait rapporté des règles par rapport à ça. Et j'avais dit que c'était un sujet important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choubouhat ou quelques personnes qui ont des choubouhat par rapport à ce genre de sujet-là. Et j'avais cité des qawaïd, notamment de Cheikh Saadi, de Cheikh Al-Uthaymin et d'autres savants, etc. J'avais dit que Cheikh Al-Fawzan, et pour les frères qui suivent sur Twitter, notre compte c'est Mehdi Maghribi sur Twitter, j'ai texté beaucoup de liens où il y a Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Salih Ali Cheikh et Cheikh Al-Uthaymin et notamment aussi Cheikh Abel Jabiri, etc. D'autres mashaykhs, Cheikh Zayd, beaucoup de mashaykhs. Cheikh Zayd, j'ai pas mis le lien, mais j'en avais parlé dans un des cours, que les ulama disent que juger quelqu'un de mécréant de manière spécifique, cela revient au savant et que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et dans le cadre de ces discussions-là, j'avais cité un livre. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'avais dit que c'était un livre qui a été écrit par un juge en Arabie Saoudite et qui concerne la fatwa. Il s'appelle « Al-Nahj al-Aqwa fi Arkan al-Fatwa ». Et ce livre-là, il a été préfacé par deux savants. Hein? Il a été préfacé par deux savants. C'est qui? C'est « Samahat Mufti Am al-Mamlaka » Ma'ali Sheikh Abdelaziz bin Abdullah Ali Sheikh. Et l'autre Sheikh c'est qui? C'est Ma'ali Sheikh. Wa fadilat udu hay'ati kibar al-ulama Ma'ali Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan. Et je vous avais promis le titre complet parce que je ne me souvenais plus du titre complet. Et bien le titre complet c'est An-Nahj al-Aqwa fi Arkan al-Fatwa. Et ce Sheikh, je vais juste lire un petit passage pour illustrer ce que j'ai dit. Pour, je vous avais dit que ce n'est pas moi qui parle, je ne fais que rapporter les paroles des savants. Il a consacré ce livre-là, comme je vous ai dit, à, par rapport à la fatwa, d'accord? Là, quand vous retournez au glossaire, vous avez évidemment beaucoup de chapitres différents, d'accord? Qui parlent de la fatwa sur le jihad, par exemple. Beaucoup de gens donnent la fatwa sur le jihad alors qu'ils ne sont pas aptes à le faire, notamment sur le divorce, hein? Sujet important. Et il y a tout un chapitre entier sur quoi? Sur le takfir, d'accord? Et justement, il dit... Dans ce livre-là, et il y a un chapitre, un sous-chapitre qui est pour le titre la fatwa dans les choses, dans les affaires, si vous voulez, importantes. Et qu'est-ce qu'il cite en premier, c'est quoi? Al fatwa fi takfir. Je vais lire juste un petit passage qui résume toute notre discussion. Pour dire que les frères qui disent que même nous on a le droit de faire le takfir ou les awam, etc., ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une mince affaire, c'est un hukm très grave qui a beaucoup de conséquences à la religion. Hein? Et si on n'est pas capable de faire une fatwa dans le divorce, etc., qu'est-ce qu'il en a alors dans le takfir? Est-ce qu'on va commencer à dire un tel c'est un kafir, un tel c'est un mubtadi', un tel c'est un fasir, etc.? Et on avait dit que Cheikh Al-Fawzan il a dit, et je rappelle que ce livre il est préfacé par Cheikh Al-Fawzan, il avait dit que le takfir, le tabdi', le tafsir, l'iman, les ahlain, al-rasikhin. Et je vous avais dit que j'ai posé la question à Cheikh Hassan al-Banna quand il est venu la dernière fois ici. Et il avait dit que c'est ni pour toi ni pour moi, c'est au ulama, au grand ulama. Alors que le shir, il a passé les 80 ans. Hein? Et je lui dis qu'on a des shabab, des frères qui ne veulent pas écouter à ce niveau-là, on leur a fait l'ansihat, etc. Il a dit, faites-leur le conseil, s'ils ne veulent pas écouter, ils ont qu'à trouver une autre mosquée au prier. Hein? Comme quoi, ce n'est pas une mince affaire, il y a ikhwa, et ça a amené beaucoup de fitan dans les pays musulmans, ce genre d'affaires-là. Hein? Écoutez ce petit passage-là, je vous lis juste ce petit passage-là, et après on rentre dans le cours de Sharh Usul Sunnah de l'imam Ahmed Rahimahullah. Il dit donc le cheikh dans le livre que j'ai dit quoi? Le cheikh s'appelle comment? Al-Qadi, c'est un juge, le docteur Ahmed ibn Suleiman ibn Youssef al-Arini. Et c'est préfacé par qui? Cheikh al-Fawzan et Cheikh Abdelaziz al-Cheikh al-Mufti. Il dit, Thalithan, après avoir parlé en long et en large, il dit, Itlaq al-Hukm bi-Takfir, khas biman bi-Ahl al-Ilm, wal-Riyasa al-Diniya, al-Ladina bi-Aidihim al-Halwa al-Aqd, wal-Imam al-Shara'iyya, fa-Ida kaffaru ahadan sara li-Takfirihim thamara. وصار الناس على منهجهم ونفذ الحكام أقوالهم وأخذت العامة برأيهم أما أفراد طلبة العلم وعوام الناس فلا مدخل لهم في التكفير البتة لما يترتب على إطلاقهم التكفير من العجلة وعدم العمق في العلم والدين والتحقق من شروط التكفير وانتفاء موانعه. واضح الكلام؟ Il dit que le fait de juger quelqu'un de mécréant ou de poser ce genre de jugement, qu'on peut appeler excommunication dans un beau français, c'est-à-dire le fait de sortir quelqu'un de la religion de l'islam, est spécifique, ou revient, fait partie des responsabilités spécifiques, khassan bi al-ilm, de qui? Des gens de science. Il n'a pas dit des gens de l'ignorance, il a dit des gens de science. Hein? Il a dit, warriyas ad-diniya, et qui ont une position dans la religion. D'accord? Qui ont un leadership dans la religion, si vous voulez. Alladina bi'aidihim al-hal wal-aqd wal-imam al-shar'iyya. Vous savez c'est qui al-hal wal-aqd? Al-imam al-shar'iyya, c'est-à-dire qu'ils sont les guides dans les affaires religieuses. Fa'ida kaffaru ahadan, car lorsqu'ils jugent quelqu'un spécifique, mécréant, il y a dans leur jugement un fruit. Ça amène un fruit à quelque chose. Et les gens les suivent leur voie à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est un tel parmi les ulama qui l'a dit. C'est juste ou pas? Et les gouverneurs, ou les gouvernants si vous voulez, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en application leurs paroles. Et la masse des gens prend leur avis. D'accord? C'est pas le contraire. Tandis que les individus parmi les étudiants en sciences, ou awam al-nas, et les gens de la masse, le commun des musulmans, si vous voulez, d'accord? Fala madkhal lahum fi takfir al-batta. Ils n'ont aucune. Il n'y a aucune entrée pour eux, si vous voulez, littéralement. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas à s'occuper de ça. J'allais dire at all en anglais. Pas du tout. Al-batta. Pourquoi? Il a donné la réponse, il a donné la raison. En raison de ce qui résulte, les conséquences, si vous voulez, sur qui résulte du fait de quoi? De juger quelqu'un mécréant lorsque on se précipite ou qu'on n'a pas assez de profondeur. Adam al-umq, il a dit, fil ilm wa din, dans la science et la religion, wa tahaqquq min shurut at-takfir wa intifa' mawani'ihi, et le fait d'être sûr que toutes les conditions sont réunies et toutes les barrières sont levées. Alors, je l'avais déjà dit, je vous référerai à d'autres livres. Ça, c'est parmi les osos, l'attention d'Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est quoi? C'est de faire la différence entre le fait de juger quelqu'un de mécréant, mais de manière générale, le takfir de genre, si vous voulez, le fait de dire celui qui invoque autre que Allah, c'est un mushrik. Ça, c'est un takfir de quoi? De genre. Mais de dire un tel, le fils d'un tel, parmi les gens là, de manière spécifique, quelqu'un de particulier, ça c'est ce qu'on appelle quoi? Takfir l'ayn, ou bien takfir l'mu'ayyin, les ulama disent. C'est pour ça que les ulama, ils ont consacré des livres entiers sur le sujet. Notamment, Cheikh Mohamed Saïd Raslan. Il a un livre qui s'appelle Dawabit al-Takfir al-Mu'ayyin. Dawabit al-Takfir al-Mu'ayyin. Les règles, dawabit, les conditions. Et il a d'ailleurs utilisé un mot dans le livre, il a dit Quyud min hadid. Il a dit il y a des conditions et des restrictions de métal, de fer. Et c'est pas une affaire que tu viens et n'importe qui commence à. Comme un éléphant entrerait dans un magasin de porcelaine. Et tu viens, tu commences à. Subhanallah. Comme notre frère Hassan Abou Ousma dit toujours, il dit quand on est malade du cœur, on cherche le meilleur cardiologue. On va chercher, on va même peut-être dépenser toutes nos économies, etc. On va faire, ou même si on va se déplacer, on va aller à l'étranger, etc. Et subhanallah, quand c'est les affaires de dîn, des fois on va au cycliste du coin. Vous savez c'est quoi le cycliste au Maroc? C'est celui qui répare les vélos au coin là. Hein? Ça c'est les phrases de Hassan, il a raison. Voilà, il a raison. Il a raison. Alors que le dîn c'est plus important que ton cœur. Et on avait dit la parole de Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala dans le Qawaid Fiqhiyya, mais c'est des frères qui n'étudient pas dans l'usul dans le Qawaid Fiqhiyya. Certains ne connaissent même pas le waqil l'islam, ils ne connaissent même pas l'usul talata, ils commencent à faire le takfir sur les gens. C'est quoi? وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ عَلَى شَيْءِ حَتَّى الشُّرُوطُ تَجْتَمِعْ وَالْمَوَانِعُ تَرْتَفِعْ. Et le jugement sur quelque chose n'est pas complet, ne se réalise pas tant que les conditions ne sont pas réunies et les barrières ne sont pas levées. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui doivent être là et il y a des choses qui empêchent qu'elles ne doivent pas être là. Et comme Cheikh Al-Islam dit, s'il y a un mani, akhlas, tu ne peux pas faire. C'est une barrière, tu ne peux pas faire le takfir. Les ulama, ils ont traité sur le sujet. Hein? Ils ont traité le sujet en long et en large. Vous ne vous faites pas avoir par certains de nos frères qui se revendiquent la da'wah salafia, mais qui ont ce genre de choubouat, ya ikhwan. D'accord? Et qui essaie de rentrer avec vous dans ce sujet-là par la porte de l'Udr bil Jahl, par exemple. Cheikh Rabi', il a dit, les frères qui. Hein, il avait cité l'exemple d'un frère qui se promenait en Arabie Saoudite comme ça, avec le livre, avec un livre à ce sujet-là, il allait partout dans toutes les villes parler du sujet, etc. Cheikh, il a dit, c'est les gens qui font ça, ce sont les Haddadiyah. Vous connaissez la secte de l'Haddadiyah? Pourquoi? Parce qu'ils essaient de diviser les rangs des salafis avec ce genre d'affaires-là. Cheikh Salih al-Suhaimi. Et Cheikh Ben Ramzan Hajiri, qu'ils ont été au Maroc à Agadir, qu'ils ont fait la Dora Dar al-Hadith, cette année-ci, pas loin, la fatwa elle est sur miras.net, hein, .net. C'est la cassette ou l'audio où il y a les questions-réponses. Cheikh Ben Ramzan Hajiri, qui est un Cheikh, mais qui considère Cheikh Suhaimi comme son Cheikh, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les questions à Cheikh Suhaimi. Il résume toutes les questions à ce sujet-là, et Cheikh Suhaimi l'a fait une nasiha. Il dit, ikhwa, rentrez pas là-dedans. Je parle de l'Udr bil Jahl. Rentrez pas là-dedans. Là, t'es trop loufi, il a dit. Il a dit, il est trop grande pour vous. Il a dit, laissez-le aux chouyours et même à certains des chouyours de vos chouyours, parmi les grands qui, eux, peuvent rentrer dans ce genre de masaïl-là. Si t'as un talib ilm et que dans ta formation scientifique, un jour, tu vas y passer. Comme Cheikh Falah Ismail nous a dit, tu vas comprendre ces choses-là. Et j'étais content parce que c'est ce que j'ai toujours pensé. Quand il a dit ça, j'étais très content. Pourquoi tu veux absolument tout comprendre tout de suite et tu obliges les gens à rentrer là-dedans et à comprendre? Évidemment, ils risquent très souvent, c'est ce qui arrive, de ne pas comprendre. Et en plus, tu les rends obligatoire pour eux de juger les gens, mais créant que tu leur fais dire que n'importe qui peut le faire. Et si tu ne dis pas ça, c'est toi qui as un problème dans l'aqidah, c'est toi qui as un mourji. Subhanallah l'adim. Cheikh Salih Ali Cheikh, j'ai mis un lien sur Twitter où Allah, il y a une vidéo sur Internet. Il parle des khawarij et des jeunes, et pourquoi ils arrivent à ce genre d'actes, etc. Il parle de leur fikr, de la aqid, etc. Wallah, il a bien résumé la chose. Il a fait le tekfir, le jugement sur quelqu'un, ça, il faut laisser ça au qudat, au juge, au grand ulama. Tandis que ce qui concerne l'itiqad, hein, qui est obligatoire pour toi dans le kufr bittarut, l'iman billah, na'am, tu crois. Hein? Voilà, qu'en toi, de fait de juger quelqu'un de spécifique, laisse ça au ulama. Et c'est ce que nous on connaît de Mashaykh, c'est ce qu'on connaît de Cheikh Al-Faymin, c'est ce qu'on connaît de Cheikh Al-Baz, c'est ce qu'on connaît de Cheikh Al-Bani, rahimahullah, c'est ce qu'on connaît de Cheikh Saleh Ali Cheikh, c'est ce qu'on connaît de Cheikh Zayd, c'est ce qu'on connaît de Cheikh Al-Fawzan. Ce livre-là, je viens de dire, il a été revu par Cheikh Al-Fawzan. Et Cheikh Al-Fawzan, il y a plusieurs audios sur son site, j'ai retrouvé au moins 20 pages d'audio sur son site, avec tous des audios, des fois plus courts que d'autres, hein, certains plus courts que d'autres, d'autres plus longs que d'autres, où il dit cette chose-là. Et des fois, il dit des paroles générales. Qu'est-ce qu'ils font ces genres de frères-là? Ils basent tout leur manhaj sur une minute audio de manière générale de Cheikh Al-Fawzan, sans revenir à ce qui est détaillé de l'autre côté du même Cheikh de Cheikh Al-Fawzan. S'ils lisent juste la waqid de l'islam de Cheikh Al-Fawzan, ils vont voir que c'est contraire à ce que dit Cheikh Al-Fawzan, ce qu'ils disent. Comment pourrait Cheikh Al-Fawzan donner cette affaire-là à n'importe qui? Allez, vas-y, tu peux faire, tu connais rien, c'est pas grave, t'as un mythe, t'es même pas un talib ilm. Hein? À la limite, tu sais même pas lire l'arabe, vas-y, c'est pas grave, tu peux juger les gens mécréants. Une affaire aussi grave que cela. Hein? Regardez, je viens de tourner la page ici. Il parle des masaïl, le fait de les conséquences qui découlent du fait de juger quelqu'un le mécréant, etc. Et puis il y a un autre sous-chapitre, oui. Man yamlikul fatwa fi takfir. C'est de là, ce chapitre-là, que je vous ai pris cette citation. Il dit, من المعلوم والمتقرر شرعا أن الفتوى في مسائل الفقه عامة مقصورة على العلماء العارفين بمآخذ الأدلة ومقاصد التشريع. ce qui est connu et qui est établi dans la religion islamique, c'est que la fatwa, le fait de donner un avis juridique, parce que c'est ça un takfir, hein, fait partie des points de jurisprudence généraux qui sont une spécificité de qui ? Maqsoura, yani c'est limité à qui ? Maqsoura en arabe, il utilise le mot maqsoura à l'ulama al-arifin, ou ulama connaisseur. De quoi ? Bima akhid al-adillah. Comment ça, utiliser les preuves et comment comprendre les preuves et comment, hein, etc. Wa maqasid al-tashri' et les buts de la législation islamique. Fatahrumu ala man siwahum man qassura ilmuhum. Il est donc interdit, pas permis, illicite, pour autre que parmi ceux qui ont, quoi ? Une compréhension limitée, réduite. فَمَا الْقَوْلِ إِذَنْ Qu'en est-il alors ? فِي الْفَتْوَى بِإِخْرَاجِ أَحَدٍ مِنَ الْمِلَّةِ وَطَرْدِهِ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَسَلْبِهِ أَصْلِ الْإِيمَانِ Qu'en est-il alors de faire une fatwa, de faire sortir quelqu'un de la religion, de le faire sortir de l'islam et de le faire sortir complètement de la foi ? لَا شَكَّ أَنَّ الْأَمْرَ خَطِيرٌ جِدٌّ خَطِيرٌ لَا سِيَمَا وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَسَائِلِ التَّكْفِيرِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَوِيسًا Et l'Ouais, il a dit, c'est quoi? C'est Al-Sa'b, il a dit, Asru Fahmu, Ma'na. Cheikh Fal Asma'il nous a dit que c'est parmi les Masa'il qu'ils ont étudié à la fin dans Talab. C'est parmi les derniers chapitres qu'ils ont étudié. Mais toi, tu veux commencer par cela. Subhanallah. Il faut se construire en tant qu'un frère salafi. C'est ce que je dis toujours, ya Ikhwa. Wallah, et ça, c'est un truc qui me rend très triste. Hein? Et c'est un appel que j'ai fait sur Twitter et que j'ai dit aux frères, ya Ikhwa, apprenez votre manhaj. Ya Akhawat, apprenez votre manhaj. Tu es salafi depuis combien d'années? Et la moindre choubha, elle vient. C'est des choubhats qui sont connus pour les... Un frère moyen, qui a un niveau moyen, connaît ce genre de choubhats-là. C'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui est très... Hein? Quelqu'un qui fait ce genre de choubhats-là, tu le mets de côté, tu dis, moi ce que j'ai, c'est l'ulama. Ils disent, c'est eux qui font ce genre de jugement. Laisse-moi tranquille, je vais prendre ma religion. Et continue ta route, c'est tout. Subhanallah, Adim. C'est quand qu'on va enfin étudier les livres de manhaj? On est salafi, on n'apprend pas notre manhaj salafi, c'est logique ça. Est-ce qu'on a lu Sharh Sunan al-Barbahari? Est-ce qu'on a lu l'Iban d'Ibn Battah? Est-ce qu'on a lu Kitab Sharia al-Ajuri? Est-ce qu'on a lu Usul Sunan al-Muhammad? Alhamdulillah, c'est pour ça qu'on a décidé de faire. C'est pour ça que j'ai arrêté Sifat Salah de Cheikh Bezmoul et que j'ai voulu faire ce livre-là parce que j'ai vu qu'il y avait un laxisme et qu'il y avait des fois un extrémisme aussi et qu'il y avait en résumé un manquement dans le manhaj. Usul Sunan al-Imam Ahmed, Usul Sunan al-Imam Humaydi. Puis les livres de questions-réponses dans le manhaj qui facilitent beaucoup. Cheikh Al-Fawzan, l'Aqwal al-Ajoub al-Mufida, l'Asilat al-Manhaj al-Jadida, l'Ajoub al-Athariya de Cheikh Zayd, l'Fatawa al-Jaliya de Cheikh Najmi. Tous ces livres-là qui vous aident à comprendre le manhaj. Cheikh Bezmoul, il a un livre entier qui s'appelle Al-Mutashabih, hein, Fil al-Jihad wa al-Takfir. Il rapporte tous des choubouhats dans deux domaines, c'est quoi ? Le jihad et le takfir. Il rapporte d'ailleurs dans toute la moitié du livre sur le takfir, il rapporte toutes des règles. Vous savez comment, une des fois où j'ai étudié ce sujet-là, alhamdoulilah, c'était clair depuis presque 10 ans maintenant dans ma tête, c'est quoi ? C'est qu'on allait faire des livres dans l'aqidah. Quel livre ? Un livre dans l'asma sifat. Qui est quoi ? Al-Qa' al-Musla de Cheikh Al-Uthaymin. Expliqué par Cheikh Al-Uthaymin, et j'avais aussi le charah de Cheikh Oubel Jabiri. Ils consacrent un chapitre entier à cela, parce qu'après avoir parlé de Kufr ou de l'Ilhad dans l'Asma ou Sifat, regardez la précision de Cheikh Al-Uthaymin, il parle du fait de juger maintenant les gens qui tombent là-dedans. Et il rapporte Manhaj al-Sunnah al-Jama'a. Parce que c'est ça le mec, c'est lié au Manhaj. Vous ne faites pas croire que les frères qui viennent vous rapporter ce genre de Masa'ila, ça rentre dans le Fiqh uniquement. On parle de Manhaj, ya Ikhwa. Il rapporte, voilà, les règles, etc. Et Cheikh Hassan, le Cheikh, il appelle ça Thunaïyat. Il dit quoi ? C'est les choses qui font. On fait la différence entre le kufr ou le kafir, ou le fisq ou le fasq, ou le bid'a ou le mubtadi'a. Il a dit, Cheikh Salih Ali Cheikh, il n'y a pas tout ce qui est dans le kufr, il y a le kufr. Il n'y a pas tout ce qui est dans le bid'a, il y a le bid'a. C'est pas toute personne qui tombe dans la mécréance qui est mécréant. C'est pas toute personne qui tombe dans l'innovation qui est un innovateur. Et c'est pas toute personne qui tombe dans la perversité qui est un pervers. Il y a des règles là-dedans. Cheikh Al-Uthaymin l'avait dit, لا ينطبق على الأشخاص حتى تتوفر شروط انطباقه وتنتفي موانعه. كتاب التوحيد القول المفيد كتاب التوحيد إن شاء الله فيمين صنع يتجيه بخسك ديزان يا أخوة مسي غير الله الغاست تضبطها يعني تضبطها مرة واحدة الحمد لله تلي هاتي لا ميتريز اون فوا ابخا الغاست افيك توا سي با انا اي فيان كوم يدي ابو خديجة تي الموندغ فون كوم ان في دو باي لا تي لا سبحان الله هادي ديزون نو اخي بوكو تي دي مبتدئ مي باركونت كافر لا اون يفا الي كافر سي با بلو غراف Ça veut dire que sa femme doit le quitter, qu'on ne peut pas hériter de lui, qu'on ne peut pas prier sur lui, qu'on ne peut pas l'enterrer avec les musulmans. T'imagines tous les... Hein, toutes les... Subhanallah, il a dit. Et comme on a une prenne faïda qu'on a prêté sur Fal-Asma, il a dit dans l'Udur Bil-Jahl, il a dit quoi? Il a dit que les mashaykhs, hein, ils ont dit que quand quelqu'un est tombé dans le rida, qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse 3 jours. Ça, Oulallah. C'est ce qu'on appelle quoi? 3 jours, on lui fait le stitab, on lui dit Toubil Allah Azza wa Jal, attention, le sabre, on lui envoie des mashaykhs, des imams, chaque fois il rentre, il lui parle, il lui font l'ansiha, etc. Et après 3 jours, il n'a plus d'excuses. Hein, il a dit tout ça, ça rentre dans le Hadr Biljal. À la Kouli Hal, je voulais vous rapporter ça pour pas hein, qu'on vous dise Ah, c'est Mehdi qui a dit, Mehdi, il ne faut pas dire ça. J'ai dit Cheikh Al-Fawzan, il a dit, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, il a dit, Cheikh Saleh Ali Cheikh, il a dit, Cheikh Zaid, il a dit. Hein? Et comme j'ai dit, sur le compte Twitter, j'ai mis plein de liens, c'est largement suffisant. Hein? Que vous retournez à Al-Fatwa sur l'Athémine, il y a plein de fatwas là-dessus. Qa'al Mousla, comme j'ai dit, sur l'Athémine, il a un chapitre entier consacré au fait de juger les gens qui sont tombés dans le genre de Mukhalafat, etc. Hein? Cheikh Abou El-Jabiri, il a revu un livre et il a incité à le publier. C'est le livre au Sulsun de l'imam Ahmed qu'on fait maintenant m'expliquer par Abu Mouad Hassan Al-Iraqi. C'est un talib imam qui est irakien, qui est connu chez le Mashayir. Et il consacre un chapitre entier là-dessus. Et il dit ce que je viens de dire. J'ai mis un lien, j'ai mis des références aussi sur Twitter par rapport à ça. Cheikh Bezmoul, il a un charge de la waqil islam. Il parle de ça. En long et en large. Mais il faut étudier. C'est ça qui me fait mal au cœur, ya ikhwa, et que j'ai retrouvé dans certains pays arabes et que j'ai pas retrouvé beaucoup ici. La vérité, il faut accepter dans ces ya ikhwa, c'est que nos frères et nos sœurs, ils sont pas trop dans la science islamique. Ils sont pas trop dans le talab, ici. En Europe, de manière générale. Quand tu vas dans les pays musulmans, ça, oh là là, c'est plus. Tu vois les frères avec des motos, ils étudient, etc. Et tu vois comme les awam autour d'eux, ils sont quoi? Ils sont touchés par cela. Hmm? Quand j'étais au Maroc, etc., certains des jeunes de la rue qui sont rasés, ils sont en jeans, etc., ils connaissaient le sultanata par cœur. Comment? Ils étaient avec les frères salafis, ils ont appris avec eux. C'est ça, c'est comme ça le salafi. C'est pas le tekfiri, il ferme son visage et il kfar les gens, et il prend la tangente et il fait pas da'wa aux gens. C'est pas comme ça. Salafi, non, il diffuse dans le mujtama, il diffuse dans la société. Pourquoi? Parce qu'il a. C'est comme une lumière. Quand tu rentres dans une pièce sombre, la lumière, elle illumine ce qui est autour d'elle. C'est pas elle se brûle elle-même, elle brûle les autres. Hein? Donc, il faut apprendre, il faut apprendre la langue arabe, il faut apprendre le Coran, il faut apprendre les livres du Menhaj. Cheikh Al-Athim, il a un livre entier sur comment apprendre, qui s'appelle Kitab al-Ilm. Vous le connaissez sûrement. La moitié du livre, rien que la moitié du livre, c'est que des questions-réponses en talab al-ilm. Il y a des livres entiers sur Wasa, il y a les talab al-ilm, ça, oulala. Des livres entiers, des gros volumes comme ça, sur quoi? Sur recommandations à l'étudiant en sciences islamiques. On a fait un dars dans la dernière dora qu'on avait fait sur l'importance et la préscience de la science islamique. On en a fait beaucoup sur notre site. Ils sont tous disponibles. Hein? Wa qur rabbi zidni ilma. Tu ne demandes rien d'autre, tu demandes ziyada fil ilm. C'est une preuve de la noblesse de l'ilm et des gens de science. C'est vrai ou là? On dit tous, ouais, l'ilm qabla al-qawli wa l'amal, qala rahimah. Ah, c'est vrai ou là? Mais qu'est-ce qu'on, mon application ou pas? Il faut apprendre. Les ulama, ils ont donné un ordre dans les livres. Et tu te construis. Tu connais tes ulama, tu connais ton ménage, avance, khalas. C'est pour ça que les ulama mettent en garde ce moukhtadi. Après, tu sais de qui prendre et de qui pas prendre. Mais c'est pour prendre. Prends, mon frère, apprends. Il faut être attaché à la science. Je vous avais dit que c'est une parole que je cite dans beaucoup de cours. Cheikh Zid Ben Hadi Al-Madkhali, il a dit quoi? Min khasa'is al-firqa an-najiya hirsuhum 'ala jam'i al-'ilm al-shar'i. Parmi les spécificités du groupe sauvé, c'est qui? C'est quoi? C'est leur attachement à regrouper et apprendre la science islamique. Et voilà, c'est vrai que tu vois un salafi comme il se doit. Alhamdoulillah, il y en a, il est attaché à l'ilm. Il a toujours à mettre sur lui un livre, quelque chose, hein, dans sa voiture, kada, il a fait le Coran, il a fait le Mouton, il a fait le Qawaid al-Fiqhiyya, il a fait l'Usul al-Fiqh, Moussalah al-Hadith. Hein, c'est vrai ou là? Il lit. Il est toujours avec des fluorescents, il est toujours avec des marque-pages, des livres, etc. Il a toujours sa petite mallette avec lui. Pour nos sœurs, il a toujours un sac avec elle, etc. Elle se regroupe, elle te l'oblige, etc. Hein, elle se récite un matin sur l'une à l'autre, etc. Elles apprennent la langue arabe. Vous voyez, les gens de l'Khair, dès qu'ils arrivent, par exemple, à Birmingham, ouais, Akhi, Ourti, où est-ce qu'il y a des cours? Des gens de confiance, où on peut apprendre l'arabe, des gens qui ont une croyance correcte et un manhaj salim, mais une voie, une méthodologie, hein, correcte. Où est-ce qu'on peut apprendre? C'est ça, salafi. Hein. C'est l'ilm. C'est l'ilm. Je vais clore ceci, parce que sinon je vais partir pendant des heures sur le sujet, hein, mais c'est un sujet important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici, dans notre communauté, des fois ici, dans ce mesjid, qui ont ce genre de choubouette là, ya ikhwa. Nous, on parle avec les paroles des savants. Et tekfir, éloignez-vous de spécifique, éloignez-vous de cela, parce que c'est un sujet dangereux. Tu risques de tomber dans ce qui risque d'être une grave conséquence pour toi, parce que si le hukm que tu donnes, le jugement que tu donnes, n'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? Cela revient sur toi, la'adou billah. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, faqad ba'a biha ahaduhuma. Et frère, c'est pas une mince affaire. On rentre dans Usul Sunnah. Et on est arrivé au chapitre où Cheikh l'imam Ahmed rahimahullah, il dit l'imam al-Mubajjal Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, al-jihad madin ila yawm al-qiyamati ma'a al-barr wal-fajir. Wal ghazw madin ma'a al-umara ila yawm al-qiyamati al-barr wal-fajir la yutrak. Wa qismatu al-fay wa iqamatu al-hudud ila al-a'immati madin, laysa li ahadin an yat'ana 'alayhim wa la yunazi'uhum wa daf'u as-sadaqati ilayhim ja'izatun nafidah. من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تام ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له فضل ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأن يدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. Qu'est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah il dit? Le jihad reste jusqu'au jour de la résurrection avec l'obéissant et avec le désobéissant. Les conquêtes restent avec les gouverneurs jusqu'au jour du jugement dernier. Les obéissants et les débauchés parmi les gouverneurs. Et n'est pas délaissé. Et la distribution pardon, du butin, elle faille. Alors ici, le faille, ikhwa, on va traduire ça par butin, d'accord? Mais, il faut faire une précision, chez le fuqaha, ils font la différence entre quoi? Elle fait un autre mot que vous connaissez sûrement, hein, que beaucoup de tekfiri en français ils utilisent de manière erronée, el ranima. Ouais, ils vont voler dans les supermarchés, ils volent des cartes de crédit, ben on va faire la ranima, on va faire la ranima. Hein. J'en ai déjà rencontré qui disent ce genre de choses-là. On va faire la. Il y a des frères qui font la ranima. La hawla wa la quwwata illa billah. El ranima, elle fait, c'est deux mots en arabe pour le butin en français. Mais il y a une différence. C'est quoi la différence? Eh bien, le mot utilisé, comme j'ai dit ici en arabe, c'est le fey. Vous avez entendu qismatul fey. Or, il y a une différence faite par les gens des sciences entre le fey et le ranima, comme le dit Cheikh Abdelaziz Rajihi sur son site officiel, qui, le ranima, c'est le butin pris des mécréants après qu'un combat ait été livré. D'accord? Vous suivez ou pas? Donc déjà, rien que par cette définition, tu sais que l'autre, il a rien compris à la ranima. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas fatigué à apprendre sa religion. Il a juste entendu des pseudo-chouillures sur Internet, hein, ou dans la mosquée du coin, qui dit la ranima, etc. Il a cherché quelques preuves sur la ranima, etc. Et il a été faire la ranima au supermarché. Eh bien, c'est quoi? La ranima, c'est le butin pris des mécréants après qu'un combat ait été livré. Or, elle fait, c'est le butin qui est pris des mécréants sans avoir livré de combat. Et qu'ils ont abandonné, et ce qu'ils ont abandonné et laissé derrière eux, comme Cheikh Rajihi. J'ai dit Cheikh Rajihi, parce que j'aime bien quand je dis quelque chose, d'avoir quelqu'un derrière moi, un savant. Hein, sinon, c'est quelque chose qu'on étudie dans le fiqh, et on connaît la définition, alhamdoulilah. Mais Cheikh Rajihi, sur son site officiel, et d'autres mashaykh, ils disent que Al-Fay, c'est le butin sans avoir livré de combat. Et le Ranima, c'est le butin après avoir livré un combat. Donc ici, la précision à faire à quoi c'est, on va traduire, c'est pour ça que je vais traduire par, et la distribution du butin. pris sans avoir livré de combat, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Peut-être qu'il a, il a un sens plus général ici, mais moi c'est ce que je connais de mes chers comme différence. Et l'application des peines légales reste. Ça c'est la suite de la part de l'imam Ahmed. Et personne n'a le droit de les critiquer, de leur disputer le pouvoir. Et leur donner les aumônes légales prescrites est autorisé. Et cela est effectif. Alors pour les frères qui... Parce qu'ici le mot arabe c'est nafida. C'est-à-dire quand tu donnes ta... On va le voir dans un instant, mais quand tu donnes ta zakat, c'est ça qu'il faut comprendre, sadaqat, c'est ça qu'il faut comprendre, si tu donnes ta zakat au gouverneur, eh bien quoi, c'est autorisé pour toi de le faire et c'est... Là, c'est effectif, tu l'as fait, tu as donné ta zakat. Tu ne dois pas avoir de doute par rapport à ça après. Et on va parler un peu de fiqh là, à ce niveau-là, inshallah. Mais pour la, dans la langue française, effectif, c'est qu'il produit un effet réel. Hein? Vous vous souvenez, ça c'est dans la définition de l'Académie française, sinon dans le dictionnaire Larousse, c'est dont la réalité est incontestable. C'est pour ça que j'ai traduit ça par effectif. Celui qui s'en acquitte, l'imam Ahmed dit, des aumônes prescrites légales, il s'en sera acquitté. Et ce que le gouverneur soit désobéissant ou un débauché. Pourquoi il dit ça à l'imam Ahmed? Parce qu'il y a des gens qui disent quoi? Que l'imam il doit être parfait. Pour que tu lui donnes la zakat, pour qu'il puisse la donner. Et la prière du vendredi, l'imam Ahmed dit, derrière eux, c'est-à-dire derrière les gouverneurs, et derrière ceux qui ont été placés par eux, c'est-à-dire qu'eux, ils ont délégué, est autorisé et reste, et de deux unités de prière. Celui qui refait ces deux unités de prière est un innovateur. Qui délaisse les textes, les athars, et transgresse la sunna, elle n'obtient aucune préséance du vendredi s'il ne voit pas que l'on peut prier derrière les gouverneurs, qu'ils soient obéissants ou débauchés. Et ça, si vous retournez, regardez encore une fois la rahma d'étudier l'aqida. Si vous retournez à l'aqida al-tahawiyya, avec le charh d'Ibn Abi al-Iz al-Hanafi, eh bien, il parle de cela. C'est un livre de quoi? Un livre de mustalah. C'est un livre d'aqida, c'est parti de notre croyance. Aqida al-tahawiyya, avec l'explication d'Ibn Abi al-Iz al-Hanafi. Et il y a une très belle édition qui est sortie il y a longtemps, qui est avec les annotations de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani. De l'aqida al-tahawiyya, expliquée par Ibn Abi al-Iz al-Hanafi. Il parle de cela. Cheikh Al-Najmi dans son sunnah de l'imam Ahmed, il parle de cela. Il cite la parole de l'imam Ibn Abi al-Iz al-Hanafi. D'accord? Et il dit, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui prétendent que tu peux prier que derrière l'imam qui est ma'soum, comme Shia. Hein? Et Cheikh, il dit que ceux qui disent cela, il cite la parole de l'imam Ibn Abi al-Hanafi, il est considéré comme un dhal. Et Cheikh il a dit quoi ici? Il a dit, hein? Et celui qui refait ses deux unités de prière est un innovateur qui délaisse les textes, les athars et transgresse la sunna. Et il n'obtient aucune préséance du vendredi s'il ne voit pas que l'on peut prier derrière les gouverneurs qu'ils soient obéissants ou débauchés. La sunna est donc de prier avec eux deux unités de prière et de croire qu'elles sont complètes et que tu n'éprouves rien dans ton fort intérieur contre cela. Et Cheikh Aoubel Jabir, dans son explication de Osul Sunnah, il dit, tu ne vas pas prier le Dohr toi-même, ou tu repris le Jumu'ah. Pourquoi tu as repris le Jumu'ah? Parce que tu crois qu'elle n'est pas valable, la prière derrière le gouverneur. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et pourquoi tu vas prier le Dohr après que tu aies pris le Jumu'ah avec l'imam derrière l'imam? Hein? Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien explication de Cheikh Rabi, Hafidah Allah Ta'ala, et il dit, الشرح بعدها والغاز ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر مدام الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة فيجب أن نجاهد تحت راية الإمام البر أو الفاجر وفعل هذا السلف كابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل كان يخرج وغيره يخرجون إلى الثغور يجاهدون تحت لواء الدولة العباسية وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى أئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. Cheikh Rabi, elle explique ce passage en disant de Osul Sunnah de l'imam Ahmed Rahimahullah, et après cela, et les conquêtes restent avec les gouverneurs jusqu'au jour de la résurrection, qu'ils soient obéissants ou débauchés. Comme le jihad reste jusqu'au jour de la résurrection, il est donc obligatoire que nous fassions le jihad sous l'étendard du gouverneur, qu'ils soient obéissants ou débauchés. Alors ça, c'est déjà une des conditions, hein, qu'on ne veut pas vous montrer sous boîte. Non, il ne faut pas d'étendard, il ne faut pas d'imam, vas-y, hein. Sors dans la rue et vas-y, tue les mécréants ou prends l'avion et va là-bas et hein, va te battre ma'lish. Non, il y a des conditions dans le jihad. Et c'est les ulama qui disent quand il y a jihad ou quand il n'y a pas de jihad. Et les ulama, ils ont parlé en long et en large de ce sujet-là. Alhamdulillah, Allah nous a facilité que j'ai pu faire le livre de Bulughul-Maram, Kitab al-Jihad, avec Cheikh Abil Jabiri, Hafidhahullah Ta'ala, et c'est pas, hein, en 2003, à Bahreïn, et c'est pas une mince affaire. C'est là qu'on fait ce genre de chapitre-là avec le Mashiach, c'est là qu'on voit que, hein, c'est beaucoup plus subtil et détaillé et compliqué et dangereux que ce que personne elle veut bien faire croire. On a dit qu'il soit obéissant ou débauché, comme le jihad reste qu'au jour de la résurrection, il est donc obligatoire que nous fassions le jihad sous l'étendard du gouverneur, qu'il soit obéissant ou débauché. Et les plus prédécesseurs ont pratiqué cela, comme Ibn al-Mubarak, rahimahullah, Al-Awza'i, et Ahmed ibn Hanbal, ils sortaient et d'autres, et ils sortaient aux frontières et faisaient le jihad sous l'étendard de la dynastie abbasside. Hein? Et Cheikh il dit, la distribution du butin, elle fait, il revient en fait au maître de l'imam Ahmed, et l'application des pelles légales par les gouverneurs reste. Il n'est autorisé à personne de les critiquer, on a parlé de cela, on avait cité le fait que le fait de critiquer un gouverneur musulman de manière ouverte, c'est quoi? C'est considéré comme un khuruj, ya ikhwa. Et les ulama, ils disent toujours que le khuruj bil sayf masbouqun bil khuruj bil qawl. Que la rébellion par le sabre est toujours précédée avant par une rébellion par la parole. Hein? D'une rébellion par la parole. Et on avait dit qu'il y a même un genre de khawarij qui ne sort pas par le sabre. Et qui même peut-être sort jamais avec le sabre. Mais c'est les pires. Ils sortent qu'avec la langue. C'est-à-dire qu'ils se rebellent par la parole. Et on les appelle al-khawarij, comme il dit Cheikh Abid, al-qa'idiyya ou bien al-qa'adiyya. Hein? Et c'est ceux qui sont assis, qui, les idéologues, si vous voulez, qui incitent au khuruj, même si eux ne sortent jamais. D'accord? Et la distribution du butin, elle fait, et l'application des peines légales par les gouverneurs reste. Il n'est autorisé à personne de les critiquer, ni de leur disputer le pouvoir. Il voit donc, l'imam Ahmed, ويرى فيرى أن قسمة الفيء للأمراء ويرى أن إقامة الحدود في الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر ومشاكل ذلك إلى الحكام ليست للأفراد ولا للطوائف وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاكم لأن هذا حقه ولأن تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا أول لها ولا آخر لكن إذا تولى ذلك والأمر ولو كان فاجرا فإن النفوس تهدأ ولا تتعرض الأمة للفتن. شيخ الدي الإمام أحمد رحمه الله il voit que la distribution du fay, on a défini le fay comme étant le butin qui est pris des mécréants sans avoir livré de combat, revient au gouverneur et il voit l'application des peines légales prévues pour la fornication et le meurtre et le vol et la consommation d'alcool et autres peines légales revient au gouverneur et pas aux individus particuliers ni au groupe, mais seul le gouverneur se charge de cette responsabilité. D'accord? Car c'est son droit. Et car si les individus particuliers et les groupes se chargeaient de cette responsabilité, cela amènerait à des bains de sang et à des troubles sans début ni fin. Tandis que si les gouverneurs, même si les débauchés se chargent de cette responsabilité, les âmes s'apaisent et n'exposent pas la communauté aux troubles. Et vous le voyez, et le meilleur des témoins, c'est notre situation dans certains pays musulmans. Aujourd'hui, regardez la fitna qu'il y a eu. Regardez le fait de critiquer le gouverneur, le fait de se rebeller sans avoir la capacité, hein? Même si c'est un mécréant dans certains cas, d'accord? Et etc. Et regardez les bains de sang, regardez les fitnes. Et regardez même après, même s'ils ont réussi à renverser le gouverneur, est-ce que ça améliorerait la situation? Non. Pourquoi? Parce qu'une des conditions qu'on avait citées dans un dans ce qu'on avait fait de Cheikh Mohamed bin Hadi al-Matrali, vous vous souvenez, en trois cours, sur la position des gens de la Sunna al-Jama'a, sur les révolutions, et les manifestations, etc., dans les pays islamiques, on avait dit qu'une des conditions, hein, eh bien c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir le wujud al-Badil, c'est d'avoir quelqu'un pour le remplacer, de valable. Et d'autres conditions, ça c'est un, hein, les maisons parlées, de même, quand on ne peut pas se rebeller contre le musulman, et même le kafir, si on peut se rebeller, c'est avec des quoi? Des conditions très strictes. Et c'est les ulama qui disent quand ou quand le faire ou quand ne pas le faire. Donc c'est des sujets, c'est pour ça que les ulama, regardez, on parle de l'aqidah, ya ikhwa, là. Ça, il ne faut pas croire que c'est l'aqidah, là. Au sol, sunnah indana. Comme disent les mashayikh ici, le sunna c'est dans le sens de quoi? L'aqida. Et il n'y a pas de différence, ou pardon plutôt, il n'y a pas à faire la différence entre le manhaj et l'aqida. L'un il ne va pas sans l'autre. Mais comme dit Cheikh Rabi', Cheikh Al-Fawzan et plein de mashayikh, etc., il revenait à l'excellente explication de Usul Sunna de l'imam Ahmed par Abu Mu'ad Hassan al-Iraqi, il a bien rapporté les paroles de Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan par rapport à ça et d'autres, hein, qu'il y a un talazum entre l'aqida et le manhaj. Si tu as un khalal, une déficience dans le manhaj, tu as une déficience dans l'aqida. Si tu as une déficience dans l'aqida, tu as une déficience dans le manhaj. Et attention à la choubha que certains essaient de vous faire, hein, gober, que selon laquelle que, eh bien, tu peux avoir un aqida salima, une aqida correcte, mais avoir des erreurs dans le manhaj. Là, c'est pas possible. Ça. Hein? Non, ça va, il est bien dans l'aqida, il est juste quelques erreurs dans le manhaj. D'accord? L'ulama dit un talazum, même si l'un est plus large que l'autre. Cheikh Rabi, il dit par exemple que, dans Majmou' al-Fatawa, volume 14, il dit que c'est quoi? Eh bien, c'est. Le manhaj c'est plus large, ashmal, il englobe plus de choses. L'aqida et aussi le fait de comment critiquer, et comment faire face aux gens, l'innovation, etc. Et le fahm, la compréhension de la religion, etc. etc. Hein? Donc le manhaj est le plus large et il englobe l'aqida bien sûr. Mais les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Et celui qui vous dit le contraire, faites attention à lui. On continue. وليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في قسمة في كما فعل ذو الخويسيرة. Et personne ne peut les critiquer, ni dans ce qui concerne l'application des peines légales, ni en ce qui concerne la distribution du fay, comme l'a fait ذو الخويسيرة التميمي. Vous connaissez son histoire, hein? C'est cette personne qui est quoi? Qui a critiqué qui? La distribution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que c'était une distribution qui n'était pas pour لم يرد بها, hein? Qui n'était pas pour la face d'Allah, wal'a'udhu billah. Qu'est-ce qu'Omar ibn Khattab il a voulu faire? Il a voulu lui trancher, hein, la nuque, d'accord, la tête. Et puis le hadith, c'est le fameux hadith sur quoi, hein? Sur? Et je vois qu'il murmure là, mais j'entends pas d'ici. Sur le khawarij, d'accord? Et Cheikh il dit, « وَدَّفْعَ الصَّدَقَاتِ إِلِهِمْ جَائِزَ نَافِدَةً » Je ne sais pas si vous avez la même édition que moi, parce que moi j'ai le Majmou' al-Fatawa Cheikh Rabi' ici, le volume 2. Mais il y a une faute ici, c'est Ilayhim. Hein? Vous avez une erreur là aussi ou pas? Dans votre édition, non? Ilayhim, c'est juste? Moi j'ai pas Ilayhim, c'est une erreur. Il faut rajouter un lam et. إليهم أجزأت عنه وفي مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الإمام الشافعي يفرقون بين زكاة الظاهر وزكاة الباطن إن شاء الله ويرون أن زكاة الظاهر لولي الأمر وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة وعروض التجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة سواء ذهب أو فضة أو تجارة له أن يخرجها بنفسه وبعضهم يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنها وصلت إلى المستحقين ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر فإن ذلك جائز أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن يؤدوها إليه وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل الصحابة مانع الزكاة. Et donner les aumônes légales prescrites est autorisé et effectif. Et on expliquait ce que ça voulait dire. Et s'ils le font, ils s'en seront acquittés. Dans l'école de l'imam Ahmed et l'école de l'imam Shafi'i, ils font la différence entre ce qu'on appelle zakat al-zahir et zakat al-batin. Zakat al-batin, c'est la zakat de l'or et de l'argent et du commerce. Hein? Zakat quoi al-batin. Zakat al-batin, c'est quoi? C'est la zakat de l'or, de l'argent et du commerce. Zakat al-zahir, c'est la zakat des fruits et des animaux. C'est comme ça que les ulama font la différence dans zakat al-batin et zakat al-zahir. Zakat al-batin, je répète encore une fois, c'est quoi? C'est zakat de l'or, l'argent et du commerce. Wa urud al-tijara. Et zakat al-zahir, c'est la zakat sur les fruits al-thimar wa al-hayawanat. D'accord? Et il voit donc zakat al-zahir. On a expliqué c'est quoi? C'est la zakat des fruits et des animaux, etc. Et donner au gouverneur Et zakat al-batin, comme l'or et l'argent, et les marchandises pour le commerce, cela revient à celui qui détient le montant maximum, minimum, pardon, pour lequel, par lequel la zakat est obligatoire, ce qu'on appelle quoi un nisab. C'est-à-dire qu'une des conditions pour donner la zakat, pour que la zakat soit obligatoire, c'est qu'elle arrive au degré de nisab. Et les ulama, ils ont parlé dans le fiqh, ils ont décrété, et c'est une certaine somme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où tu as cette somme d'argent-là, que tu ne l'as pas touchée, hein, c'est pas quelque chose que tu utilises tous les jours, etc., et qu'il y a un an qui a tourné, hein, sur cette somme qui est passée, quant à cette somme, eh bien tu dois donner quoi? Zakat. Revenez au livre de Fiqh à la Kulli Hal sur la zakat, et c'est important de donner, parce que peut-être de savoir, parce que peut-être que c'est obligatoire pour vous, les frères. Hmm? Savoir comment la donner, combien il faut donner, à qui il faut la donner, etc. Et c'est un des piliers de l'islam. Il lui est autorisé de la donner à qui de droit lui-même. C'est-à-dire que tu peux la donner toi-même à qui de droit. Ce qu'on appelle al-zakah. Et certains préfèrent la sortir eux-mêmes afin qu'ils soient apaisés, car la zakat est arrivée aux ayants droit. La zakat est arrivée aux ayants droit. Mais malgré cela, s'il la remet au gouverneur, c'est autorisé. Tandis que si le gouverneur l'exige, alors ça devient quoi? Obligatoire. Vous comprenez un peu ici? C'est-à-dire que tu peux la sortir toi-même, c'est autorisé. Mais si, même certains la préfèrent, pourquoi? Parce que, hein, tu t'appelles qu'elle est bien arrivée à la personne qui est en droit. Mais si maintenant tu es dans un pays musulman et que le gouverneur te dit, tu dois donner la zakat et nous on va la donner. Hein? Eh bien, il est obligatoire pour toi de la remettre. Et Cheikh, il dit, mais malgré cela, s'il la remet au gouverneur, c'est autorisé, tandis que si le gouverneur l'exige, alors il est obligatoire que les gens la lui remettent. Et s'il s'en empêche de la lui remettre, le gouverneur peut les combattre. Comme les compagnons ont combattu ceux qui sont empêchés de donner la zakat. D'accord? Vous connaissez la position d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ou Arda, par rapport à cette histoire-là, hein? Ce qu'on appelle mani'u zaka, avec quand c'est Yarab, quand c'est mansoub ou majrour, on dit mani'u zaka. Hein? Mani'u zaka. En fait, c'est mani'oun. Al mani'oun min zaka. Et pourquoi on enlève le nun, hadf le nun, l'il? Ah, alhamdulillah, l'idafa. Hein? Mani'u zaka. Mani'u zaka. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont empêchés de donner la zaka, ils ne voulaient pas donner la zaka. Et c'est ça dont le Cheikh parle ici. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة يعني صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد يقول جائزة باقية تامة ركعتين يعني هذه الجمعة ومن أعادهما فهو مبتدع بعض الناس يعيد صلاة الجمعة يعني لعذر في نظره يعني إما لأنه ما بلغ عدد الأربعين وإما لأن الإمام يرى صلاته ليست صحيحة وهذا شر من ذاك هذا مبتدع حتى لو كان الإمام في الجمعة مبتدعا صلي ولا تعد ولو كان جائرا صلي معه ولا تعد فإن أعدت الصلاة الجمعة فأنت مبتدع فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك ذلك شيء وفي نسخة شك. Qu'est-ce que de quoi il parle l'imam Ahmed rahimahullah ici? Il dit: et la prière du vendredi derrière le gouverneur et derrière celui qui l'a placé ou qui lui a délégué est autorisée. C'est-à-dire la prière du vendredi derrière le gouverneur et derrière ceux qu'il a placé ou qu'il a délégué, comme les gouverneurs, les sous-gouverneurs si vous voulez, hein, qui sont sous sa responsabilité, et les juges, et les imams de mosquée. L'imam Ahmed Rahimahullah, il a dit, elle est autorisée et reste et est complète. Et elle est de deux unités de prière. C'est-à-dire que cette prière du vendredi et celui qui l'a refait est un innovateur. Quand on dit, mais après, c'est un point dans le fiqh. Hein? Certes, refont la prière du vendredi car ils pensent qu'ils ont une excuse. Ils pensent qu'ils ont une excuse dans leur esprit, ils pensent qu'ils ont une excuse. C'est-à-dire, soit parce qu'il n'est pas arrivé au numéro 40, hein, soit ils voient que la prière du gouverneur n'est pas valable. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il l'a, hein? Il l'a refait. Ou il prie dhuhr après avoir pris le jumu'ah derrière l'imam ou le juge ou le gouverneur lui-même, etc. Hein? Comme Shia, par exemple, comme on a dit quoi? Ils disent, ah non, ce n'est pas l'imam al-Ma'soum, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Hein? Eh bien, on ne prie pas derrière lui. L'ulama considère celui qui dit cela comme un dhal, mudil. Il le considère comme un dhal. Et celui-ci est pire que le premier. Celui-ci est un innovateur. Même si l'imam qui prie la prière du vendredi est un innovateur, tu pries et tu ne refais pas la prière. Et même s'il est un débauché, tu pries et tu ne refais pas ta prière. Et si tu refais ta prière du vendredi, tu es un innovateur. On revient au maître. La sunna est donc qu'il prie, c'est-à-dire la parole de l'imam Ahmed rahimahullah, la sunna est donc qu'il prie avec eux deux unités de prière et crois qu'elles sont complètes et que tu n'éprouves rien dans ton fort intérieur contre elles. Et dans une copie de la sunna de l'imam Ahmed, c'est pas chez, c'est chèque. Et que tu n'éprouves aucun doute quant à cela. Et tu pries, alhamdoulilah, tu as fait ton obligation, khalas. Hein? Et dans une version du texte, comme on a dit, et que tu n'éprouves pas de doute à son égard, c'est-à-dire à l'égard de la prière. D'accord? Il y a encore un petit morceau de chapitre ici qu'on va faire aujourd'hui, après on s'arrêtera là avant de rentrer dans l'interdiction de combattre le sultan et de se rebeller contre lui. De toute façon, on a c'est de ça qu'on parle depuis certains cours, de toute façon. تحريم الخروج على أئمة المسلمين ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. الإمام أحمد رحمه الله continue son excellent épître sur le sunna, l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs musulmans. Et celui qui se rebelle contre un gouverneur parmi les gouverneurs des musulmans, autour duquel les gens se sont regroupés et ont affirmé son califat, de quelque manière que ce soit, de gré ou de force, on va comprendre pourquoi, inshallah, ce rebelle aura alors semé la discorde au sein des musulmans et aura transgressé les textes rapportés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce rebelle meurt dans cet état, il sera alors mort d'une mort de la période pré-islamique. Wallahu billahi min dhalik. Explication de Cheikh Rabi' comme dans le hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyatan. Wal hadith rawahu Muslim kitab al-Imara bab wujub al-mulazama jama'at al-muslimin 'an Ibn Umar radiyallahu anhuma. Un autre hadith wa man kharaja min at-ta'ati mata mitatan jahiliyatan. وراه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عن أبي هريرة. C'est le même chapitre, même livre, صحيح مسلم, كتاب الإمارة, même sous-chapitre, باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. Chapitre ou sous-chapitre de l'obligation de s'accrocher, de se tenir à la jama'a des musulmans, au corps des musulmans. Et الشيخ dit, فلا يجوز الخروج وقال هذا في خلاف ذات يزيد في خلافة يزيد وتعرفون حال يزيد ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما رأى الخروج عليه نكثا للبيعة ومن خرج عليه ومات على ذلك مات ميتة جاهلية والقصة ساقها مسلم في الحديث السابق. Donc Cheikh Rabi' il explique ce passage là en disant comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Umar car les agrés tous deux, celui qui meurt sans avoir prêté allégeance sera mort d'une mort de la période pré-islamique, rapporté dans l'authentique de Muslim numéro 1851. Et un autre hadith est celui qui sort de l'obéissance et meurt sera mort d'une mort de la période pré-islamique, rapporté aussi par Muslim, numéro 1848. Donc on a 1851 et 1848. Cheikh dit, la rébellion est donc interdite. Et il a dit cela, c'est-à-dire qu'Abdullah ibn Omar, le compagnon, fils de compagnon, le fils de Farouk, le fils du deuxième calife de l'islam, c'est Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab, il a dit cela à l'époque du califat de Yazid. Et vous connaissez la situation des Yazides. Et malgré cela, Ibn Omar voyait que la rébellion était une rupture de l'allégeance et que celui qui se rebellait contre lui et mourait dans cet état, alors il serait mort d'une mort de la période pré-islamique. Et vous voyez encore une fois l'importance de revenir au ulama. Nous, on aurait pu lire ce hadith, on n'aurait pas su dans quel contexte Ibn Omar l'a dit. Qui fait que tu peux réfuter facilement, hein, les gens qui essaient de te mettre des ambiguïtés. C'est ça, oulala. Et puis Cheikh il dit en bas de page dans le Hamish, il dit l'histoire a été rapportée à ce sujet par l'imam Muslim dans son authentique sous le hadith cité précédemment numéro 1581. Et donc je vous ai dit encore une fois, c'est comme ça que le talib ilm se construit, c'est d'aller voir les sources qu'on cite. Je vous pose la question, je ne veux pas de réponse, vous la vous posez à vous-même. Est-ce que franchement, chaque fois que je cite une référence, ou en général quand je cite une référence, vous allez voir, oui ou non? Ça, vous, vous répondez à vous-même. Si vous ne le faites pas, il y a un problème. Et ce n'est pas comme ça que vous allez vous construire, et ce n'est pas comme ça que vous allez apprendre à connaître les livres des ulama et apprendre à chercher dans les livres des ulama. Ça, c'est l'habitude que vous devez avoir, c'est aller voir dans les sources qu'on a citées, parce que vous allez lire la lumière, à la lumière de ce qu'on a dit. Vous allez lire tout le... C'est-à-dire que vous allez lire avec Siyak, avec pourquoi le shirk a rapporté cela, etc. Vous allez lire tout le chapitre et ça va vous aider à quoi? À comprendre mieux et à connaître les ulama, à connaître les livres des ulama et les paroles des ulama, etc. Et pour ce qui concerne la bay'a, parce que certains disent que non, chacun doit faire la bay'a, c'est pas que Ahl al-Halwa al-Aqd. On a traduit des shubuhat, des réfutations des shubuhat. C'est d'un shirk qui s'appelle Utaybi et il a fait un livre qui s'appelle Wajadihum Billati Ahsan et c'est un livre où il réfute 18 et dans une nouvelle version 19 shubuhat des tekfiriyin. Et une des shubuhat c'est qu'ils disent ah mais moi j'ai pas fait l'allégeance moi-même donc je dois pas lui obéir. On a réfuté cela et c'est traduit sur notre site spfvirmigam.com même si je sais qu'il est toujours sous maintenance parce que notre frère alhamdulillah il est en train de refaire tout le site. On va faire un beau site avec des audios, des belles affiches pour les audios, et un cadre interactif et surtout un beau et facile pour la recherche, etc. Inch'Allah. Il y a plusieurs frères qui travaillent sur le projet depuis plusieurs mois maintenant. Et on a traduit des passages là-dessus. On a traduit aussi des passages sur la Shura qui disent que quoi? Non, mais il faut dire que quoi? Que le gouverneur qui est obéissant, qui est quelqu'un de parmi les gens de la taqwa et de bar. Non, ce n'est pas une condition. Ou bien, quoi? Qu'il faut obéir que celui qui était choisi et pas celui qui est pris par la force. C'est faux. Les ulama, il y a unanimité des gens de la sunna que celui qui a pris, même s'il a pris le pouvoir par le sabre, et khlas, l'État, il sait quoi? Il est établi que c'est lui qui est à la tête de l'État maintenant. C'est établi. C'est lui maintenant le chef de l'État, c'est lui qui a pris le pouvoir. Khlas, il doit lui obéir obligatoirement. Même s'il a pris par la force, pas par le sabre. On a traduit des choses là-dessus, on ne va pas revenir là-dessus, on a traduit des paroles d'Ibn Hajar, de l'imam Nawawi, rahimahullah, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Utaymin, beaucoup de savants, alhamdulillah, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et avec ça, on a fait le cours aujourd'hui, wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanaka, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.